Yeah, génération réalité. Une génération dans l'ineptie, tout ça se finit en autopsie. De toute façon, on profite de la vie, oui d'accord. Mais à quel prix, voici la vie des ados d'aujourd'hui. Ne vois pas le danger quand il est face à lui. Yeah. Ok, alors ça fume à 12 ans et pas que la cigarette de temps en temps. De temps en temps, ce qu'ils oublient c'est qu'ils n'ont pas 20 ans. Qu'ils n'ont pas 20, bientôt l'âge de la première relation sexuelle à 13 ans. À 13 ans. C'est pas parce que c'est mon amie que je sors avec elle, on n'est plus à l'époque, maintenant elle se fout de ma gueule. Le vrai je t'aime n'existe plus, il se dit à tout va, je sors avec toi à 12, t'inquiète, c'est pour la vie, mais seulement pour ce mois. T'as pas Facebook, mais t'as Twitter ou MySpace ou d'autres qu'on pourrait énumérer pendant des heures que des clichés sur ça. Voilà où cette génération nous mènera. 30 minutes sur GTA, t'es un geek, ouais, c'est comme ça, t'inquiète pas, tu t'y feras. Tu t'y feras, tu t'y feras. On se tape pour un rien, il ne pense qu'à sécher les cours. Ça pour un oui, pour un non, seulement destin, c'est ce que j'encours. Personne n'est plus religieux, c'est messe. Ouais, c'est trop lourd, ça devient pire de jour en jour. Voilà, les ados de nos jours. Yeah, ok. Génération dans l'ineptie, tout ça se finit en autopsie. De toute façon, on profite de la vie. Ouais, d'accord, mais à quel prix? Voici la vie des ados d'aujourd'hui. On voit pas le danger quand il est face à lui. Yeah. Alors ça kiffe les films d'horreur, passe sa vie devant Scream, leur idole, ouais, c'est Ghostface et Britney Spears, ouais, c'est ses hospices. Des barres philosophiques que seul on comprend. I love you, I love this, et tout ça en même temps. Et tout ça en même temps. Et tout ça en même temps. Yeah. Et si on devient toujours sourd, c'est pas sous le poids des écouteurs, les ou les 130 décibels, des sars qui roulent en Range Rover. Les franges d'âge se concordent, l'hypocrisie est la même. Manipulateur, enchanté. C'est la règle. Plus peur du danger, bienvenue dans Jackass. Bonjour, je suis Adrien de Lima, et voici ce qui nous tracasse. Beaucoup parodié, mais jamais une once de réalité. Des rêves dans la tête, c'est au sommet que je veux habiter. Mais toujours un minimum de réalisme. Voici ce que vous voulez voir. Mieux que dans le pays d'Alice. Yeah. Une génération dans l'ineptie, tout ça se finit en autopsie. De toute façon, on profite de la vie, ouais d'accord. Mais à quel prix? Voici la vie des ados aujourd'hui. On voit pas le danger quand il est face à lui. Yeah. Ok, ok. Mais toujours un minimum de réalisme. Voici ce que vous voulez voir. Mieux que dans le pays d'Alice. DKSS. Génération réalité.